You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'épisode 89 d'Horreur Gamer. Mon nom est Steven Lefrançois et je suis, si on peut dire, en remplacement de Sébastien Bouchard pour la simple raison que aujourd'hui on est en mode Fantasia. Et comme vous le savez, nos collègues Jean-François Tremblay, Vicky Landois et Sébastien Bouchard n'ont pas la chance d'aller au Fantasia. Fait que on va faire sans eux, mais j'ai avec moi pareil des invités aujourd'hui pour m'accompagner dans les festivités. À commencer par celle que vous avez déjà pu entendre dans le premier épisode du festival lorsqu'on a interviewé les réalisateurs de Game of Death, Audrey. Salut Audrey, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Super, très heureux de t'avoir sur l'épisode parce qu'on n'a pas souvent la chance de t'entendre et dernièrement, on dirait que tu te joins un peu plus à nous, fait que c'est vraiment le fun. Merci, ça fait plaisir. Yeah! Et de l'autre côté, je suis allé chercher mon bon vieux collègue, celui de séance de minuit, que je suis plus capable de me passer de lui. Fait que je me suis dit, hey, pour une fois que t'as la chance de profiter du Fantasia, c'est la première fois qu'on peut le vivre ensemble, ben je vais t'amener avec moi sur le podcast pour en discuter. Marc-Antoine Labonté. Salut Marc-Antoine. Salut Steven, très content d'envahir Horror Gamer en l'absence de Sébastien, Jean-François et compagnie. Ah, ça va en faire des jaloux. Hey, pourquoi Marc-Antoine, là? C'est pas juste, là. T'es tout le temps avec Marc-Antoine. Ouais, mais gars. Marc-Antoine, il est partout maintenant. Là. Marc-Antoine, c'est comme un virus qui s'installe dans tous les podcasts, là, puis ça devient big. Là. T'es fin. Ben c'est ça, vous l'avez compris, fait qu'aujourd'hui c'est notre épisode 1 si on peut dire, où qu'on va mentionner en gros les films qu'on a vus, les films qu'on a aimés, et vu que Fantasia c'est pas centré uniquement sur l'horreur, on va y aller un peu de façon variée, fait qu'on traitera pas juste des films d'horreur évidemment, c'est quand même rare vu qu'on est sur un podcast horrifique, mais on fait une exception pour le Festival Fantasia, surtout que cette année, c'est pas l'année la plus variée en termes d'horreur. On a plus l'impression que c'est plus du côté de l'action et des trailers et d'autres genres qui est plus présent cette année, malgré que, comme d'habitude, le festival nous réserve pareil des gros morceaux d'horreur cette année, fait qu'on va avoir beaucoup de plaisir à en discuter. Fait que sans plus tarder, on va tout de suite commencer. Et comme j'ai pas perdu mes bonnes manières en tant qu'animateur, je vais laisser un de mes collègues commencer. Fait que là, je peux déjà sentir le stress. Oh non, moi. On va y aller avec Audrey, tiens. Vas-y donc, Audrey, qu'est-ce que tu as vu à date au festival? Bon, ben moi, faut dire que j'ai pas vu grand-chose jusqu'à maintenant parce que j'ai dû m'absenter une semaine pour le travail, donc je compte me rattraper. À date, j'ai vu 3 films seulement à Fantasia. J'ai été voir premièrement samedi passé, c'était la première de Game of Death, le film dont on a interviewé les réalisateurs Sébastien Landry et Laurence Bazemoret. Oui. Et j'avais déjà vu le screener, mais j'étais vraiment intéressée à encourager mes amis et à voir comment le film serait à Fantasia avec un public. Puis j'ai pas été déçue. Il y avait les deux réalisateurs, leur ami avec qui il a écrit le script. Et il y avait des membres de la distribution aussi, il y avait des acteurs. Donc, on a eu une période de questions-réponses à la fin. Puis, j'ai vraiment été surprise que les acteurs savaient parler français. Je pensais qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui se déroulait dans la période de questions-réponses. Puis, finalement, ils ont pris le micro puis ils parlaient en excellent français. Donc, ça m'a surpris. Puis, ouais, c'était vraiment le fun d'en savoir un peu plus sur le processus de création du film. Les questions qui ont été posées pendant cette période de questions-là étaient vraiment pas les mêmes que nous, on avait posées pour le podcast. Ah, ça, c'est le fun. Ouais. Puis, Game of Death, il va être encore une fois présenté. Ça va être le 29 juillet à 1h à la salle JA de Sèvres. Donc, si vous ne l'avez pas vu encore, puis notre podcast vous a donné le goût de le voir, ben. Vous avez déjà sold out, par contre. Ouais, bon ben. Too bad, mais pour le fun. Essayez de trouver un revendeur. Puis pour le fun, comment la salle a réagi? Est-ce que le party était pogné? Est-ce que les gens réagissaient bien au film? Ouais, comme d'habitude en Fantasia, dès qu'il y avait du sang puis des tripes, et dans ce film-là, il y en avait beaucoup, mais les gens applaudissaient, criaient. On l'avait mentionné aussi durant l'interview, mais il y a une chanson dans le film qui risque de marquer la plupart des esprits, puis je suis curieux de savoir si la salle a chanté à ce moment-là. Ben, moi, je chantais en tout cas, mais vraiment, tu sais, peut-être que c'était plus des anglos dans la salle, parce qu'il y a pas tout le monde qui avait l'air de comprendre qu'est-ce qui se passait, mais moi, j'étais dans... Justement, Marc-Antoine, il l'a vu, puis je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qu'il en a pensé. Fait que, je l'ai pas mentionné, mais on va y aller, dans le fond, chacun avec un film, au lieu de tout bombarder ce qu'on a vu. Fait qu'au moins, ça va faire un petit peu de variété. Mais Marc-Antoine, vas-y donc, avec ton opinion sur Game of Dead. OK, je vais enchaîner. Ben moi, j'ai pas particulièrement aimé Game of Death, malheureusement. Au début du film, c'était... Ce film-là m'a un peu fait penser à une idée que Eli Roth aurait discartée pour faire son premier film. Ça commence, puis t'as l'espèce de mépris un peu des personnages principaux qui sont des espèces de... On dirait les membres de la Fond Beach Club un peu, puis ils chillent ensemble chez un ami, puis tu les observes, puis t'as une espèce de... Éventuellement, ils vont s'entre-déchirer. Là, si vous avez probablement déjà écouté l'épisode d'Horror Gamer, donc je vais pas non plus... insister sur le synopsis, mais c'est ça, tu les regardes s'entre-déchirer puis retrouver un peu leur instinct de survie primitif, là, un peu justement à la Cabin Fever de Roth. Et il y a vraiment des éléments intéressants. Le premier kill, c'est difficile de pas triper dessus, c'est une espèce de plan séquence, l'effet spécial est vraiment hot, il y a vraiment des images le fun, mais moi le film m'a perdu, je dirais, après le premier 25-30 minutes. J'ai eu l'impression que dans la deuxième partie du film, les personnages luttaient un peu contre le film lui-même. Il y avait des longueurs, toute l'espèce de portion où ils sont en voiture, puis ils essaient de créer un dilemme moral un peu, puis d'intégrer, je sais pas, de l'émotion, de nous faire s'intéresser aux différents personnages secondaires qui peuvent apparaître, les victimes, même les personnages principaux. Puis on dirait que la façon dont c'est intégré dans l'histoire, ça m'a juste pas intéressé. Puis c'est ça. Donc, dans l'espèce de vague récente du kill or be killed, j'aurais quasiment tendance à préférer Belko Experiment, là, qui a beaucoup de points communs. Puis celui-là, c'est un film qui s'est pas vraiment relevé là, après le début. Puis je trouve ça toujours un peu plate là, de trasher du cinéma de genre québécois. Je suis super content qu'il ait pu faire un film. Je suis super content aussi que ça marche bien à Fantasia. C'est l'endroit idéal pour lancer ton film. Puis, moi, on s'entend, je suis juste un gars d'Internet. Là. Je ne suis pas un grand influenceur non plus. Mais c'est ça. Pour moi, un visionnement, je pense que c'est assez. Puis, ça ne m'a pas marqué, disons. Ben, je dois t'avouer que les points négatifs que tu reprochais, c'est un peu ça, moi aussi, le côté... où ça jouait la carte un peu trop sérieux, mélangé avec un côté goofy. Fait que les moments où les personnages meurent, qu'on nous présente des petites séquences de leur téléphone cellulaire lorsqu'ils discutaient puis s'amusaient au début, comme pour nous faire sympathiser par avoir de la tristesse, j'étais comme ça fonctionne pas tant avec moi, mais globalement j'avais quand même apprécié l'effort du film, j'avais eu du fun comme mes collègues, puis je suis quand même content aussi que ça ait eu un grand succès au Fantasia, puis je leur souhaite juste d'avoir une plus grosse carrière encore, puis beaucoup de succès à venir. Eh bien, moi, je vais commencer avec un gros morceau. C'est un film que j'attendais énormément. J'ai vu Shin Godzilla, pour ceux qui seraient familiers, tu sais, le fameux Godzilla, le roi des monstres, qui finalement fait son retour du côté de la Toho, parce que dernièrement, dans les dernières années, on a juste eu la version américaine, puis ça faisait pas loin de, je pense... 12 ou 13 ans que le dernier film de la Toho de Godzilla avait été fait. Puis à l'époque, c'était supposé être leur dernier. Justement, ils l'avaient dit, c'était pour fêter l'anniversaire de la créature. Fait qu'ils avaient fait un gros film, un genre de gros Royal Rumble avec tous les amis de Godzilla dans un seul film. C'était bien trippant. Moi, j'avais été très satisfait à l'époque. Mais là, avec les derniers Godzilla, même si j'avais apprécié, je trouvais que ça manquait quelque chose. Voir les Américains tenter de se l'approprier sans vouloir forcément apporter de quoi de nouveau, je trouvais ça un petit peu dole. Et là, de savoir que la Toho revient en force avec un Godzilla qui est encensé par la critique et qui est apparemment plus dans le mood du premier film. J'étais vraiment excité. Fait que, en rentrant dans la salle, je dois vous avouer que j'ai juste trippé sur toute la durée. Pour ceux qui connaissent quand même assez bien les films de Godzilla, en dehors du premier film, le reste, on va voir ça pour voir des créatures s'en mettre plein la gueule pendant 1h30. C'est pas des films très très profonds comme le premier film où ça relatait la tragédie d'Hiroshima, puis que c'était vraiment un film très très dark, justement sur les Allemands qui est arrivé, puis Godzilla était une métaphore sur la bombe nucléaire justement, puis l'attaque qu'il y avait eu là-bas. Et Shin Godzilla, c'est comme une relecture du premier film et modernise un peu tout ça, dans le sens que cette fois, ça sera pas sur celui d'Hiroshima, mais sur la grosse tragédie nucléaire qu'il y avait eu à Fukushima. Je pense que c'est une des tragédies qui a été la plus parlée, et c'est une des pires tragédies humaines qu'on a jamais vécues, en fait. Et de voir ça être adapté aujourd'hui dans un film de Godzilla, je trouve ça fantastique. Et le film, globalement, mise surtout sur la gestion de crise du gouvernement. Fait qu'à la base, oui, on a quelques scènes avec Godzilla qui sont justement parmi les meilleures que j'ai vues ici. Il n'y a pas de voitures en maquette, de jouets ou d'immeubles en carton. En tant que tel, c'est vraiment filmé dans la grosse ville avec des vrais gens, des vraies voitures, des vrais tanks. Godzilla est comme un espèce de mélange CGI et d'un gars dans un suit, mais les effets spéciaux sont vraiment modernisés et sont vraiment faits pour avoir un aspect plus réaliste que qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et ça fonctionne au bout. Honnêtement, c'est parmi les meilleures scènes que j'ai vues de destruction avec la créature. Puis Godzilla, là-dedans, il est vraiment terrifiant et impressionnant. T'as vraiment l'impression que c'est un monstre qui a été dégradé par les radiations. Ça a vraiment juste l'air d'une grosse boule de radiation qui arrête pas d'être instable, puis t'as aucune idée à quel moment qu'il va réellement exploser. Mais entre ça, on est plus du côté du gouvernement, et autant ça peut sembler plate, parce que oui, une grosse partie du film, on fait juste suivre justement comment ça se déroule dans les bureaux du gouvernement, dans les gestions de crise, les décisions, comment ils font les communications avec les autres pays qui tentent de les aider, notamment les Américains, qui ici sont ridiculisés et vraiment loin d'être mis de façon glorieuse. Mais le réalisateur le filme tellement avec une énergie, la caméra est tout le temps en train de bouger. C'est jamais des caméras stables. La caméra tente tout le temps d'incruster une énergie dans les dialogues, dans juste comment les personnages transportent les papiers avec les informations, puis tous les documents. C'est tout le temps fait avec une énergie. Je veux pas dire forcément Edgar Wright, mais c'est vraiment style énergique comme ça. Fait que ça donne un rip vraiment le fun à toutes ces séquences-là. Et c'est juste intéressant de voir comment ça fonctionne là-bas, au Japon, quand il y a des attaques terroristes ou peu importe, comment ça fonctionne dans les bureaux, puis à quel point c'est bordélique et que c'est louche. Et le film n'hésite pas à critiquer ça en tant que tel, et j'ai trouvé que c'était vraiment réussi. Et le film contient une des plus belles séquences que j'ai eu la chance de voir cette année dans le cinéma. Il y a une scène où on va voir pour la première fois Godzilla faire son fameux Atomic Breath, et je ne l'ai jamais vu de cette façon, où c'est présenté de manière totalement apocalyptique. Il y a une musique qui embarque avec ça, les effets spéciaux qui accompagnent ça sont vraiment parfaits, j'ai rien à redire, et c'est vraiment comme l'apocalypse, le feu qui envahit les rues, les immeubles de la ville, ça fait des milliers de victimes, et c'est épique. Je sentais la tension dans la salle, tout le monde avait la gueule ouverte, puis j'étais comme wow, j'étais en train de vivre un grand moment, surtout que moi c'est la première fois que j'ai la chance de voir un Godzilla japonais sur grand écran. Fait que je pouvais pas commencer mieux qu'avec ce volet-là, qui est sans aucun doute, je dirais, le meilleur de toute la série avec le premier volet. Je garde pareil une affection pour le premier, c'est quand même lui qui a amené le genre, qui a inventé cette créature-là, mais Shin Godzilla peut facilement se mettre à côté de lui et être considéré comme un futur grand classique. Le film devrait sortir le 1er août en Blu-ray, fait que vous n'avez pas besoin d'attendre tant que ça pour le voir, et je vous le recommande fortement. Si vous avez envie de voir un film de monstre qui a un propos vraiment intelligent avec un super bon casting, des effets spéciaux très réussis, puis un Godzilla au sommet de sa forme, allez vous jeter là-dessus, vous n'allez pas être déçus. Moi, notamment, c'est vraiment un des meilleurs films que j'ai vu à date à Fantasia, fait que je vous le recommande fortement. Fait que Vicky, à Shindo avec ton prochain film. Vicky, c'est excuse-moi, Vicky. Quel? Ok, c'est un fail tellement poche, mais je vais le laisser dans l'épisode. Je trouve ça tellement drôle que Vicky elle-même, qu'elle écoute l'épisode, elle va trouver ça drôle. Mais Audrey, écoute, Ouais, il peut avoir seulement une fille. Ouais, c'est ça. J'ai déjà, parce que sur le podcast que j'enregistre avec Steven, on a Jean-François Ouellet, puis je l'ai déjà présenté en l'appelant Jean-François Tremblay, avec qui j'ai comme jamais podcasté, fait que c'était gênant aussi. Oui, c'est vrai, ça, je me rappelle. Un autre moment mémorable, ça. Fait que, Audrey. La Vicky montréalaise. Donc, le prochain film que j'ai été voir, c'est un film qui s'appelle Japanese Girls Never Die. C'est un film japonais avec des sous-titres en anglais, puis il a été présenté le 14 juillet et le 16 juillet. Et c'est un peu comme un drame slash critique sociale. Et on suit trois gangs de groupes de filles différentes dans ce film-là. Et la première, c'est une fille qui s'appelle Haruko, qui a 27 ans. Puis à 27 ans, au Japon, elle est déjà considérée comme une vieille fille. Puis elle habite encore avec ses parents. Elle a une job qui va nulle part. Tout le monde nous demande pourquoi elle n'est pas mariée encore. Puis après ça, cette fille-là, t'sais, elle a un peu une vie de merde. Fait qu'elle décide de disparaître, genre de tout quitter sans avertir personne. Puis le deuxième groupe, c'est deux gars puis une fille qui font des graffitis. Puis ils font des... Ils deviennent super populaires en faisant un graffiti qui est tiré du poster de personnes disparues de la première fille, Haruko. Fait qu'ils font un tag avec sa face, puis ça devient viral, puis tout le monde commence à taguer cette fille-là qui est disparue, puis personne la trouve. Et la fille qui est dans le groupe de taggers qui font des graffitis, elle a 20 ans, puis déjà à 20 ans, son chum, il la trompe avec une fille du secondaire parce qu'il dit qu'elle est trop vieille. Puis ensuite, le troisième groupe, c'est un groupe de filles qui sont au secondaire puis qui commencent à attaquer les hommes qui marchent seuls dans la rue. Donc, ces histoires-là, c'est les trois se passent en même temps puis c'est un peu mélangeant de savoir est-ce que ça se passe à la même époque, genre parce qu'on n'arrête pas d'aller comme back and forth d'une histoire à l'autre. Puis dans le fond, ces histoires-là servent à critiquer la société patriarcale au Japon, qu'on traite les femmes par rapport seulement à leur beauté puis au fait qu'ils sont capables de se marier puis d'avoir des enfants. Donc, ça critique cet aspect-là du Japon. Puis c'est juste un hommage à ces femmes-là. Mais je sais pas, j'ai quand même aimé ça, mais c'était long. T'sais, ça durait 100 minutes. Je pense que ça aurait eu avantage à durer moins longtemps. Puis c'est aussi adapté d'un roman qui s'appelle Haruko Azumi is Missing. Puis moi, j'ai jamais lu le roman. Peut-être que si je lisais le roman, je comprendrais un peu mieux. Mais j'ai trouvé ça comme correct. Pas super bon, mais pas mauvais. C'est ça. C'est un que j'ai failli aller voir parce que l'affiche m'avait un petit peu titillé l'œil, puis j'avais lu le synopsis, puis je trouvais ça vraiment intéressant, mais la manière que t'en parles, c'est un peu la crainte que j'avais, puisque c'est souvent ce genre de film-là avec ces thèmes, j'ai l'impression que les Japonais ont tendance à étirer un petit peu la sauce, puis à y aller en longueur, fait que le fait que tu me dises ça, ça confirme un peu les craintes que j'avais avant de voir le film, là. Mais tu recommanderais-tu un visionnement pareil ou c'est... Non, ça vaut la peine pour un visionnement, mais il faut juste être averti qu'il y a des longueurs. Là. Souvent, je trouve que c'est ça le problème avec certains films qui sont à Fantasia. Souvent, à chaque année, je me dis « Ah, c'était donc ben long, ça! » Non, je sais pas, est-ce que vous trouvez ça des fois? Il y a des films qui sont tellement... Oui, oui, vraiment. Puis notamment du côté de la Corée, c'est assez rare qu'un film est en bas de 2h10. Et je suis habitué à ça. Fait que, tu sais, c'est rare que je vais sortir de la salle puis me disais, maudit que c'était long, je suis quand même habitué à ce que ça soit long. Mais c'est drôle parce que cette année, je pense qu'il y a un des rares films coréens qui dure comme 1h27. J'étais sous le choc. J'ai pratiquement rarement vu ça. Puis moi et Marc-Antoine, on était comme, ah, hier, ça va être nice parce que Marc-Antoine aussi a tendance à trouver que les films coréens s'étirent un peu trop. Puis c'est dommage parce que des fois, tu peux te retrouver avec des films qui sont pas loin d'être vraiment des masterpieces, mais on dirait qu'il y a un 20 minutes qui vient l'empêcher d'aller jusque-là, puis ça fait juste alourdir le propos puis le métrage. Ouais. Fait que c'est dommage pour ouais, ça. Il tape sur le clou bien comme faut. Oui, vraiment. Là. C'est ça que j'ai trouvé, ta description exacte là, de comme 20 minutes de trop, sinon ça sera un chef-d'œuvre. C'est ça que j'ai trouvé par rapport à l'an passé, le film Love Witch. Je trouvais que c'était un film incroyable visuellement, mais un mané, c'est long. Ce film-là, la première heure, j'étais comme « Ok, je tiens peut-être mon film préféré de Fantasia et ma surprise du Fantasia. » Et rendu à 1h40, là, j'étais comme « Ok, non, je je suis tanné, j'ai juste hâte que le film se termine, surtout dans, dans la portion du cirque puis du mariage. J'étais comme, ok, je suis plus capable. Là, c'est... Ça passe ou ça casse au mariage. Ouais. Mais c'est tellement beau visuellement, puis c'est tellement incroyable. Là. C'est dommage parce qu'il y a tellement de qualité. Là. Mais sinon, Marc-Antoine, qu'est-ce que tu as vu d'autre, toi? Ben, parlant de patriarcat, moi j'ai vu Bitch, qui est une comédie dramatique qui était passée à Sundance au début de l'année. C'est réalisé par l'actrice et cinéaste Mariana Palka. Et elle joue dans ce film-là un rôle... assez important parce que c'est la femme titre. C'est elle joue une femme au foyer, elle est négligée par son mari. Elle a 4 enfants qui sont essentiellement se foutent un peu d'elle, abusent d'elle. Et au début du film, elle essaie de se suicider, elle échoue, puis elle essaie de communiquer sa détresse à son mari. Puis il s'en fout complètement. C'est un peu une espèce de parodie, là, son chum. Tu sais, il est vraiment. Il a tous les comportements merdiques que tu peux imaginer. Puis c'est un peu joué pour l'humour au début, même s'il y a des scènes de suicide. Là, j'ai d'en parler, des tentatives de suicide, du moins. Puis c'est ça. Donc, éventuellement, elle échange de personnalité avec un chien. Donc. Elle devient un animal, puis elle laisse sa famille dealer avec son absence. Puis bien sûr, son chum vire un peu fou parce que lui, c'est un gars super carriériste qui la trompe. Puis là, il se retrouve du jour au lendemain à avoir à négocier avec les enfants, les différentes choses qu'elle, elle faisait, puis qu'il prenait pour acquis. Je trouvais que le pitch était quand même intéressant. Je pense que c'est quand même un sujet qui n'est pas tant abordé au cinéma. L'espèce de rôle ingrat que peut être celui d'une mère de famille dans un environnement justement où tout le monde te prend pour acquis, tes enfants, ton chum, puis ça devient un peu épuisant psychologiquement. Puis il y a quand même, il marche sur une espèce de fine ligne entre, je l'ai dit, la comédie puis le drame. Donc c'est vraiment intéressant. Puis la première partie du film, moi, ça m'avait complètement. Le personnage principal du film, c'est vraiment Jason Ritter, qui est le mari de la réalisatrice dans la vraie vie. Et dans le film aussi. Puis c'est il était dans Girls, je pense. Puis c'était un peu l'espèce de trou de cul typecasté. Là. Et puis c'est ça, durant le film, il réapprend à être justement un mari décent, un père dévoué, parce qu'il il subit cette espèce d'épreuve-là. Puis la première partie est intéressante justement parce que ça jongle avec différents thèmes. Puis le gars, il est comme vraiment un trou de cul, mais à un moment donné, le film s'allonge, puis il y a de l'humour, il y a des moments qui m'ont vraiment touché. Il y a un monologue à un moment donné où il dit tout ce qu'il a fait de mal, puis c'est vraiment touchant de la façon dont c'est écrit. Mais c'est un film qui veut donner un peu une leçon à ce personnage-là, avec sa métaphore qui est quand même lourde, tu sais, de la femme qui se transforme en, ben, du moins qui agit comme un chien, qui se promène à quatre pattes, qui grogne après les enfants, puis et tout. Mais la métaphore en soi sert pas à grand chose dans le film, puis elle est un peu lourde, puis j'ai l'impression qu'à la fin, c'est ça, tu sais, ça se termine vraiment de la façon dont tu penses que ça va se terminer. Ça se termine comme une comédie hollywoodienne, essentiellement, là, avec un personnage qui apprend quelque chose de ça, qui en tire une leçon et tout. Puis on dirait que cette destination-là est un peu trop cliché pour moi, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sont appréciables dans ce film-là, donc ça, c'est quelque chose que je recommanderais peut-être un visionnement éventuellement, mais il manquait quelque chose là, pour être vraiment solide. Okay. Je voulais vraiment aller voir ce film-là, en fait, mais ok, vous allez rire de moi, mais j'avais peur que le chien, le bitch, meure. Fait que vraiment, je vais pas y aller. Est-ce que le chien meurt? Il n'y a pas de chien, en fait. Elle, dans le fond, elle se comporte comme un chien, mais il n'y a pas de chien, l'animal, genre. Ok, mais dans la description, il disait qu'il y avait un chien qui rôdait autour de sa maison puis qui switchait de corps comme freaky crack. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui arrive. Genre, elle voit le chien, puis elle échange de personnalité avec, puis ensuite, on revoit jamais l'animal. Comme on la voit juste elle. Ok, bon, ben je vais l'écouter d'abord. Cool. Eh bien, moi, je vais y aller avec A Ghost Story. Un autre que j'attendais, c'est pas forcément un film qui allait juste jouer au Festival Fantasia puisqu'il va avoir une sortie cinéma un peu partout prochainement. Si je me trompe pas, c'est début août ou quelque chose comme ça. C'est distribué par A24 qui est comme devenu un des gros studios chouchou à moi et Marc-Antoine parce que ce studio-là fait juste sortir des bombes, là, notamment The Witch ou It Come At Night que je n'ai pas encore vu. Honte à moi. Et A Ghost Story, c'est un petit film qui a passé inaperçu. Quand le trailer est débarqué, ben, personne n'a vu venir. Pour la simple raison que c'est réalisé par David Lowery, si je ne massacre pas trop son nom. Et c'est pas forcément un réalisateur très connu, mais dernièrement, avant celui-ci, il avait tourné Pete's Dragon de Walt Disney, un film qui semble avoir passé dans le bar. Je n'ai pas entendu beaucoup parler pour ma part et je ne l'ai pas vu. C'était pas pire, ouais. Mais par la suite, il a décidé de tourner un petit film plus vraiment indépendant dans son coin, un film plus expérimental, film d'auteur, petit budget. Fait qu'il est allé tourner son A Ghost Story sans que personne ne le sache. Puis il est quand même bien ami avec Casey Affleck qui détient le rôle principal. Fait qu'il a appelé Casey Affleck, il a appelé Rooney Mara pour venir aussi jouer les rôles principaux. Puis il a demandé justement de pas en parler puis garder ça le plus secret possible. Puis ben, la bande-annonce, à un moment donné, a fini par sortir avec le poster, puis moi, j'ai tout de suite été conquis. Tu regardes la bande-annonce, ça a l'air d'un film vraiment très existentiel à la Terrence Malick, là, où tu vagues avec Casey Affleck qui est décédé, parce qu'au début, tu vois lui qui vit son petit quotidien avec sa copine jouée par Rooney Mara, puis il va avoir un accident de voiture, et par la suite, il va se réveiller dans la morgue, mais avec un drap. Comme étant un fantôme. Ici, l'image du fantôme est représentée à qu'est-ce qui était depuis le début du cinéma. Le classique fantôme avec le drap de lit avec les trous pour voir. Et il va juste refuser de passer à travers la lumière pour se rendre au paradis. Il va rester un peu entre les limbes, si on peut dire, et retourner juste à sa demeure où il vivait, puis aller voir sa copine qui est en dépression, qui a essayé de faire un deuil. Et c'est un film très, très décrissant. Désolé de le dire comme ça, mais si vous avez déjà des tendances à être triste ou vous êtes démoralisé, allez pas voir Ghost Story. C'est un film quand même assez difficile sur le moral. Et ce n'est pas un film d'horreur, fait que fiez-vous pas à l'affiche ou au synopsis, là, c'est vraiment loin d'être un film d'horreur, malgré que le film s'amuse à jouer avec ça, notamment dans une scène où que le réalisateur recrée une scène classique qu'on voit dans les films de maison hantée, mais du point de vue du fantôme, et c'est assez drôle la manière que c'est présenté. On a l'impression qu'ensuite, quand on va revoir des films comme Insidious, on va trouver ça moins effrayant à cause de cette scène-là. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme approche. Mais c'est pour un public averti. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est un film vraiment lent. C'est un slow burn. Fait que vous êtes averti. C'est un film qui a pratiquement aucun dialogue. Ça l'essaie d'être un peu dans l'esprit des films muets. Le film, justement, a un format d'image 1.33. Fait que c'est vraiment un écran carré pour donner un effet quasiment intemporel, si on peut dire. Là-dessus, visuellement, c'est vraiment superbe avec la photographie. Et comme je l'ai dit, les dialogues sont peu présents. On fait juste suivre Casey Affleck en fantôme qui peut pas vraiment parler, on le voit jamais, il n'y a pas d'expression. Mais étonnamment, avec le drap, il y a quelque chose d'attachant qui sort de ce personnage-là et le suivre rend son voyage vraiment intéressant parce que c'est un deuil, mais vu du point de vue de l'au-delà. Fait que tu sais, c'est un deuil qu'on peut pas vraiment décrire puisqu'on n'a aucune idée de comment ça se passe après la mort, mais le réalisateur tente d'amener son point de vue là-dessus et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir quelqu'un qui n'est pas capable de faire son deuil de la vie, qui reste accroché à sa nostalgie au fait que cette demeure-là est tout ce qu'il a toujours voulu, qu'il a sacrifié beaucoup de choses qu'on va voir au courant du film pour pouvoir vivre dans cette maison-là. Et ça a quelque chose de vraiment nostalgique et très touchant. Et c'est très aussi difficile de voir le personnage de Rooney Mara vivre son deuil parce que on a tendance à tout le temps voir les deuils dans les films hollywoodiens où c'est les personnages sont tout en train de broyer, puis c'est tout, puis à parler, tandis que sinon, le deuil est représenté de manière très silencieuse. Et juste pour vous dire, il y a une scène qui dure un gros 12 minutes, c'est un plan séquence, puis c'est le personnage de Rooney Mara où qui a fait juste manger une tarte. Puis t'as le personnage de Casey Affleck qui est là, puis qui le regarde. Autant ça peut paraître interminable selon les dires de certains mes amis qui étaient là-bas qui n'ont pas vraiment trippé, autant moi je trouvais ça dépressif. Cette scène-là est longue, oui, mais elle dégage de quoi d'authentique et de réel que j'ai rarement vu dans les films qui traitent du même sujet. J'avais l'impression vraiment de voir une personne qui était en deuil et qui était en train juste bouffer ses émotions, si on peut dire, en tant que tel, puis je trouvais que ça fonctionnait. Et une chose qui arrive à accompagner le film, puis à l'élever au-dessus, vu qu'il n'y a pas de dialogue, c'est sa soundtrack qui est, je vous le dis, la meilleure soundtrack que j'ai entendue cette année. C'est le compositeur Daniel Hart qui l'a fait et ça l'accompagne tellement bien, les images. La soundtrack te guide. Fait que tu sais, dans le fond, t'as pas le choix de ressentir ce que la soundtrack va te dire. Des fois, ça peut m'achaler, mais dans Ghost Story, je crois que c'était nécessaire vu que le dialogue est absent. Et vraiment, c'est puissant. T'as des moments d'émotion. J'en avais la chair de poule. C'est vraiment un soundtrack que je vais réécouter en dehors du film. Et en le réécoutant, tu peux facilement te refaire les images que t'as à travers le film. Mais c'est ça. En gros, c'est un film que je vous recommande, mais pour un public averti, pour, comme je dis, pour les films très lents. Mais c'est une expérience unique que j'ai pas l'impression d'avoir déjà vécu ailleurs et c'est vraiment quelque chose à voir dans une salle de cinéma aussi. Fait que si vous avez la chance de le voir dans un cinéma près de chez vous, allez-y, ça vaut la peine. C'est 1h30 qui peut paraître peut-être interminable pour certains, mais qui risque d'être un voyage vraiment intéressant pour d'autres. Et non, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'expérience que j'ai vécue avec A Ghost Story. Sachant que Casey Affleck est dans un scandale d'agression sexuelle, je trouve ça quand même... c'est comme le casting, le gars se met un drap sur la tête, là, puis reconnaissez-moi pas, je me cache en dessous. Là, c'est... Ouais, moi c'est exactement pour ça que j'ai décidé de pas aller voir le film. En fait, en lisant la description sur le site de Fantasia, ça m'intéressait vraiment, puis là j'ai vu son nom, puis je me suis dit que ça me tentait pas d'encourager un humain de marde comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai passé mon tour sur ce film-là. Je suis peut-être juste vraiment en dehors, mais j'ai aucunement entendu cette histoire-là, fait que j'étais même pas au courant. C'était quand même une grosse affaire, surtout que c'était le frontrunner pour l'Oscar, puis il l'a gagné, ouais, là, pour Manchester by the Sea. Fait que ça c'est devenu assez, je te dirais, assez discuté, là, surtout dans l'hiver passé. Mais... ouais, tu sais, je peux comprendre que c'est quand même quelque chose qui... Moi, personnellement, les films de, mettons, Woody Allen, tu sais, je les écoute pas parce que ça me tente juste pas de donner de l'argent à ce gars-là. Donc, des fois, ça... Ben, je pense que j'en avais déjà parlé en plus. Ouais, en fait, pour les auditeurs qui sont pas au courant, ce qu'on parle par rapport à Casey Affleck, c'est que récemment, il a été accusé par plusieurs femmes avec lesquelles il avait travaillé de harcèlement sexuel, puis ça s'est réglé hors cours. Donc... OK. Écoute, ben je peux comprendre que tu puisses pas vouloir le film pour cette raison. Et comme Marc-Antoine le dit, lui, il veut pas vraiment voir de film de Woody Allen, admettons, avec qu'est-ce qu'il a fait. Personnellement, je crois que ça serait dommage de pénaliser le film de David Lowery parce que c'est un film qui a tellement de qualité et qu'on mise pas forcément sur la performance de Casey Affleck. Tu sais, on le voit 5 minutes dans le film, puis après ça, tu vois juste... un fantôme avec un drap. Fait, t'sais, autant ça pourrait être quelqu'un d'autre en dessous. Là. Puis je me demande même si Casey Affleck a vraiment passé tout le tournage à tourner avec le drap sur lui. Puis si c'était pas justement un autre acteur. Je suis curieux de savoir ça. Il y a personne qui a demandé cette question-là dans la salle au Fantasia. J'aurais été curieux de savoir ça. Mais écoute, moi je le conseille pareil. J'ai quand même beaucoup aimé le film, mais je peux comprendre ceux qui refuseraient de le voir à cause de cette raison-là. C'est toujours un peu touché d'aller voir un film où il y a un scandale, soit avec le réalisateur ou soit avec l'acteur. Il y a eu le film Bird of Nation, justement, avec un réalisateur noir qui avait fait beaucoup jaser parce que je crois qu'il avait battu sa femme ou quelque chose comme ça, Marc-Antoine, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était une histoire d'agression sexuelle suivie d'un suicide aussi. Là, ouais, c'est ça. Ça aussi, c'était partout. Là. Ouais, puis gars, pour cette raison, moi, j'ai décidé de boycotter son film. J'ai rien voulu savoir comme plusieurs personnes. Fait que je pense qu'on a chacun notre sensibilité à un sujet puis à savoir si on est capable, oui ou non, de voir un film malgré les tabous qui peuvent l'entourer, malheureusement. Là. Mais sinon, Audrey, qu'est-ce que tu as vu d'autre à part de ça? Ouais, bon, ben mon troisième et dernier film à date que j'ai vu, c'est un film d'horreur qui nous vient d'Australie. Non, des États-Unis, mais c'est tourné en Australie et ça s'appelle Killing Ground. Oh! Et comme vous savez, les films d'horreur qui se passent en Australie, c'est tout le temps super rough, je trouve. Comme je pense à Wolf Creek, qui m'a, tu sais, je l'ai vu il y a plus que 10 ans, puis ça marque encore. Récemment, j'ai vu le film Hounds of Love aussi, qui se passe en Australie, puis qui est vraiment pour public averti. Puis, ouais, c'est ça, Killing Ground. Bon, ben, premièrement, je vais parler je voudrais mettre un trigger warning parce que j'ai mentionné des agressions sexuelles puis de la violence envers les femmes et envers les hommes aussi, en fait, les deux. Ben, j'ai trouvé ça super bon. Je pense que c'est mon film préféré jusqu'à maintenant, puis je pense que ça va l'être encore une fois à la fin. Puis ça raconte l'histoire d'un jeune couple dans la vingtaine qui s'en vont en camping complètement dans la nature, au milieu de nulle part en Australie. Puis quand ils arrivent là, ils voient qu'il y a déjà une tente sur place, mais les gens qui sont dans la tente ne sont pas là. Puis à un moment donné, ils sont rendus la nuit, ils sont rendus minuit, puis ils ne sont pas encore revenus. Fait que là, l'histoire, au début, ça se déroule en flashback. Fait que t'as un flashback sur qu'est-ce qui est arrivé au monde qui était dans la tente. C'est une famille de deux parents, un petit bébé puis une adolescente. Puis qu'est-ce qui leur est arrivé? Ben, c'est très violent et je vais pas te dire de spoiler, mais c'était un cauchemar. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Puis donc, le jeune couple, dans la vingtaine, un moment donné, ils vont voir dans la tente qu'est-ce qui est arrivé à cette famille-là. Puis, un moment donné, leurs deux histoires vont devenir une dans une genre de fin cauchemardesque. Puis, c'est super bon, mais il y a de la tension tout le temps de A à Z. Il y a beaucoup de violence, mais c'est pas de la violence graphique. C'est juste insinué qu'il y a ce qui arrive. Donc, on le voit pas vraiment arriver. Ouais, j'ai super aimé ça, puis je le recommande vraiment. Là, c'était présenté le 14 juillet, le film, puis il n'y aura pas d'autres présentations. Mais je pense que ça va être présenté, je suis pas sûre, mais je pense que ça va être pick-up, puis présenté dans des cinémas indépendants, comme mettons le cinéma du parc, puis qu'éventuellement, ça va être offert en DVD ou sur les sites comme Bellefib, puis tout. En fait, il est déjà sur iTunes présentement, ah, en oui? location. Okay. Oui, c'est ça. OK, bon, ben parfait. Ben, je le recommande vraiment, aller louer. Puis, ouais, je sais pas, il y a quelque chose à propos de l'horreur australienne. Tu sais, si je me fie juste au film que j'ai vu, j'ai l'impression que comme si j'allais en Australie, soit la nature me tuerait ou soit un genre de vraiment dépravé me tuerait, genre. Fait, ouais, c'est ça. Je dirais que c'est pas évident. Ouais. J'ai un ami qui a été le voir aussi. J'ai pas eu la chance d'y aller parce que le film jouait en même temps justement que A Ghost Story. Et c'est con parce que j'aurais pu décider d'aller voir lui vu que l'autre, j'avais la chance de le voir plus tard au cinéma, mais j'étais comme trop impatient, c'est ce qui m'arrive souvent, malheureusement. Mais je savais que le film allait sortir sur VOD. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit justement que la violence était jamais gratuite, par contre, puis qu'il y avait tout le temps quelque chose de justifié, puis pas juste on va tenter de te choquer, puis on va essayer de faire un buzz avec ça, puis c'est tout. Là. Ça laisse tout à l'imagination. Tu sais très bien qu'est-ce qui se passe, mais tu le vois pas, puis je pense que c'est bien correct comme ça. Sinon, ça aurait été trop. OK, génial. Et toi, Marc-Antoine, qu'est-ce que t'as vu d'autre? J'ai vu un film que t'as vu aussi, Steven, et... C'est un film qui a été chaudement recommandé par les programmateurs du festival, qui a reçu aussi beaucoup de bonnes critiques. C'est Low Life, ouais. Qui était présenté, je pense, à la première mondiale à Fantasia, justement. Ouais. Premier long métrage de Ryan Prowse. Moi aussi, je massacre les noms ce soir. c'est une histoire qui se divise en plusieurs temps, une espèce de structure narrative éclatée. La première partie, tu suis un luchador, son nom c'est El Monstruo. Puis il y a comme la pression d'honorer sa lignée familiale, mais il échoue parce qu'en fait, sa job dans la vie, c'est d'être goon dans une espèce de bordel qui est tenu par du monde qui vole des organes. Là, donc... assez loin du super-héros qui est censé représenter. Puis lui, dans le fond, il va avoir un enfant avec une fille qui est accro à l'héroïne. Puis son obsession dans la vie, c'est comme de faire de son fils ce que lui n'est pas. Puis tu penses que tu vas les suivre tout le long, mais finalement, tu changes plusieurs fois de protagoniste et leur histoire va se retrouver à la fin, un peu comme dans Killing Ground, finalement, j'ai pas vu, là. Ça fait très Pulp Fiction aussi, la structure du film. C'est le premier film auquel j'ai pensé en voyant. Oui, c'était beaucoup comparé à Pulp Fiction. Moi, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux, je te dirais. J'y ai pensé un peu. En même temps, j'avais été inceptionné par les gens qui avaient comparé, mais j'y ai pensé un peu durant le segment qui est plus comique entre deux amis, un qui va chercher son chum qui sort de prison, qui s'est retrouvé dans des gangs nazis durant son temps derrière les barreaux, puis il s'est fait tatouer une grosse swastika d'en face. C'est une espèce de running gag dans le film, mais moi je vous avoue que c'est un film, j'ai apprécié. En même temps, j'ai trouvé que les histoires étaient un peu inégales. Au début, j'étais encore là complètement avec le film. Toute la partie où on suit El Monstruo, je trouvais que c'était vraiment bon. C'était pété, c'était imaginatif. Puis la réalisation, la direction d'acteur, c'est vraiment bon. Puis après, je trouvais qu'on voguait un peu plus en terrain connu. Les différents segments m'ont pas autant marqué les uns que les autres. Puis quand, à la fin, justement, toutes les histoires se rencontrent, on dirait que le film m'avait un peu déjà perdu. Je suis jamais retourné au high que j'avais durant le premier 30 minutes, donc c'est un peu dommage. Peut-être parce que je suis allé voir, il y a comme 2-3 jours, Dunkirk de Christopher Nolan au cinéma, puis lui aussi, il y a comme trois timelines, qui se croisent les unes les autres, mais de façon comme plus imaginative. Tandis que là, c'était... Il y a peut-être quelque chose que j'ai manqué parce que je lisais un peu au sujet du film aujourd'hui puis je voyais vraiment des avis dithyrambiques, mais moi, je l'ai apprécié, mais en même temps, c'est pas nécessairement quelque chose qui m'a fait capoter. J'ai pas trouvé qu'il y avait là-dedans autant de nouveau que ce qu'on m'avait promis, disons. Donc, c'est un peu ça. Toi, je sais que tu l'as vu aussi, Steven, donc je serais bien curieux que tu enchaînes avec ça. Ben, ça m'a fait le même effet en tant que tel. Je l'ai vu au Fantasia à l'avant-première, et tous les castings étaient là, la foule était en délai, le générique embarque, puis j'ai juste le feeling que tout le monde dans la salle va crier que c'est leur numéro un. Vraiment, là, je sentais que le monde avait capoté, les gens qui étaient avec moi, ils avaient capoté. Et j'ai... Comme toi, j'ai aimé le film, mais j'ai des réserves. Pour un premier film, je trouve que c'est quand même très solide, autant du niveau de la réalisation que le visuel. Le casting là-dedans, il est malade. Il n'y a pas un acteur que j'ai trouvé mauvais là-dedans. C'est vraiment un casting 5 étoiles. Là, les acteurs sont vraiment bons. Puis le réalisateur est vraiment doué pour alterner entre scènes comiques, scènes plus dramatiques. Il y a des moments très touchants que je m'attendais vraiment pas à voir dans le film. Mais moi, quand je suis allé voir ça, j'avais aucune idée c'était quoi. Fait que j'y allais les yeux fermés. Puis quand le film commence avec le luchador, je suis comme tombé en amour avec le film. J'étais comme, OK, ça a l'air original. C'est pas ce que je pouvais m'attendre juste en voyant l'affiche. Et son histoire à lui, ce personnage-là, il est vraiment intéressant. Puis t'as juste envie de suivre lui. Malheureusement, tu finis par changer de perso, comme dit Marc-Antoine. Puis ça finit par se relier plus ou moins tout ensemble. Mais il y a des histoires inégales, il y a des personnages que je m'intéressais moins que d'autres, il y en a que j'aimais bien, mais moi, mon problème avec ce genre de structure-là, c'est que tu vas revoir sans arrêt des scènes que tu vois au complet, mais là, tu vas le voir d'un autre point de vue de d'autres personnages qui s'intègrent. Mais le réalisateur te montre la scène vraiment au complet à chaque fois. Fait que t'es obligé de te retaper en double à plusieurs reprises des scènes qu'on a déjà vues. Et je trouve qu'il y aurait peut-être eu manière de, dans le montage, de couper ces passages-là, parce que le public l'a vu, on le sait, fait que je trouvais que ça jouait un petit peu sur le rythme. Et ce qui m'a déçu aussi, c'est la finale que j'ai trouvée très expédiée. C'est un film qui prend son temps, qui forme un genre de build-up ou qui recolle tous les morceaux. Fait que tu t'attends à ce que la finale, ça y aille dans un côté un peu plus délirant, surtout que le luchador, la manière qu'il nous est présenté, à chaque fois qu'il pique une crise pour X raison, le son coupe, puis la scène coupe également, puis on en revient sur lui après le carnage qu'il a fait. Fait qu'on sait pas comment ça s'est déroulé, mais tu vois tout le temps des cadavres déchiquetés, des têtes explosées. Le film est quand même assez graphique puis très réussi là-dessus. Fait que je me dis, OK, il garde ça vraiment pour la fin. Mais tu sais, quand la fin arrive, j'ai pas vraiment eu à ça à quoi je m'attendais. Puis comme je l'ai dit, j'ai trouvé que c'était expédié. La finale dure peut-être 5 minutes, puis j'étais comme... Mais semble j'en aurais pris un petit peu plus, et surtout aussi qu'un coup que les morceaux du puzzle se sont tous mis, tu te rends compte que l'intrigue principale est très très mince et n'apporte pas forcément rien de nouveau, comme l'a dit Marc-Antoine. Fac, je reste un peu sur ma faim, mais pour un premier film, comme je dis, je trouvais que c'était quand même solide. Le film a beaucoup de qualité, ses moments forts, mais c'est pas le film au festival à voir cette année, selon ce que j'avais attendu. Là. Il y avait Simon Pledge, j'ai des oubliettes, qui était avec moi, puis il me disait « Ah, on m'a dit que c'était le film à voir au festival », puis ensuite, après, ben, il avait l'air d'être d'accord, là, il avait trippé, mais je sais pas, je suis peut-être l'exception à la règle, mais moi, je suis vraiment ressorti un peu mitigé, malheureusement, de ce low life, là. En fait, oui, vas-y. Ouais, j'allais juste dire, c'est clair que donner du cash à ce gars-là pour qu'il fasse son film d'après, tu sais, il y a vraiment du potentiel. Là, ça, je lui enlève pas. Puis rendre sympathique un gars avec une swastika d'en face, faut avoir du talent de scénariste, faut avoir du talent de direction d'acteur. Puis même chose avec que tu l'as dit, là, il y a vraiment des moments touchants qui pop à des places inattendues. Ouais. Puis je veux un spin-off avec ce luchador-là. Honnêtement, je prendrais un film juste avec lui. Je trouvais ce personnage-là tellement intéressant. Puis en plus, toute l'équipe avait amené plein de t-shirts. Puis les t-shirts sont vraiment nice. On va tenter d'en mettre sur Horror Gamer pour vous montrer un peu que ça avait de l'air. Mais évidemment, comme d'habitude, moi, avec ma super chance de cocu, j'ai pas réussi à en avoir un. Fait que c'est dommage. Mais j'aurais vraiment aimé ça avoir un t-shirt de ce personnage-là qui est vraiment nice. Là. Puis l'affiche du film est vraiment belle également. Là. C'est très graphique et peinture. Ça me rappelait des productions quasiment italiennes par moment. Là. J'ai vraiment aimé l'affiche. Eh bien, moi, je vais enchaîner avec un film qui sort un peu des sentiers trailers horrifiques qu'on a été jusqu'à présent. C'est mon film le plus fun que j'ai vu au Fantasia. Ça s'appelle Plan B. C'est un film allemand. Et c'est le film auquel j'ai retrouvé ce que j'aime le plus au Fantasia. Une foule en délire, une foule qui crie tout le long, qui réagit à chaque scène, qui rit, qui a une énergie. Puis à date, depuis mon début du festival, j'ai vu quand même une dizaine de films. Et j'avais pas vécu ça. J'étais comme, ouais, mais semble cette année, Fantasia, c'est plus calme, la foule a l'air moins dedans. Et Plan B est venu changer la donne, puis c'était un film que j'entendais beaucoup. Et ça raconte l'histoire de quatre amis qui sont réellement dans la vie. Ce sont quatre amis cascadeurs amateurs. Et ils tentent de percer dans le cinéma. Ils veulent devenir, comme la plupart des cascadeurs, des gros noms dans l'industrie, puis justement faire des grosses productions. Fait qu'ils s'amusent à tenter une couple d'auditions, mais la plupart du temps, ça tourne mal parce que leur manager, ben, c'est un manager de merde, puis à chaque fois qu'ils tentent de leur trouver des contrats, ben, c'est souvent raté. Et finalement, ils trouvent une audition qui semble vraiment intéressante, qui est située à une place, mais le manager va se tromper avec l'adresse. Et malheureusement, notre équipe de cascadeurs va se retrouver dans une usine où il y a des gangsters qui ont kidnappé une femme pour avoir une rançon. Fait que c'est ce qui s'appelle être au mauvais endroit au mauvais moment. C'est alors que les gangsters vont prendre en otage un de leurs amis et ils vont les obliger à aller à chaque point de la ville pour retrouver comme des espèces de coordonnées pour trouver l'emplacement de où que le père de la fille qui a été kidnappée cache son coffre avec un gros montant d'argent. Puis c'est construit un peu comme un genre de jeu vidéo. À chaque fois qu'il va à un point pour trouver les coordonnées, ben ça va être écrit avec un logo Level 1, full rétro, comme un jeu à la Double Dragon. C'est un film qui mise beaucoup sur un côté années 80, c'est bourré de références. Autant ça pourrait sembler gratuit, autant que ça fit dans le contexte, la manière que le film est fait, c'est juste le fun. Puis moi, j'ai vraiment trippé. Honnêtement, c'est un film que j'ai eu du fun du début jusqu'à la fin. Et mon problème souvent avec ce genre de film-là, où c'est des cascadeurs qui tentent de faire un premier long métrage, c'est souvent des films pas bon, mais que les scènes d'action sont impressionnantes parce qu'ils se forcent plus ou moins à faire un film avec un scénario intéressant. Visuellement, la plupart du temps, c'est laid et les acteurs sont juste pas bons. Tandis qu'ici, t'as pas l'impression d'assister à une longue démo de 1h30 de cascadeurs qui tentent de se vendre. Non, t'as vraiment l'impression de voir un film. T'as vraiment l'impression de voir quatre personnages attachants qui sont réellement des amis. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est que chacun d'eux porte un manteau puis sont fans d'un personnage de cinéma. Fait que t'en as un qui porte le même manteau que Marty McFly dans Retour vers le futur 2 avec la casquette. T'en as un qui porte le coat de cuir de Sylvester Stallone dans Cobra. T'en as un autre qui porte le costume jaune ligné noir de Bruce Lee dans Game of Dead, puis t'as le noir de la gang qui porte le costume de Michael Jackson dans le clip Trailer, puis évidemment dans le film tu vas avoir une longue scène de danse en une séquence où il va faire plusieurs mouvements à Michael Jackson qui est vraiment le fun. Mais c'est ça, c'est un film qui est bourré de références, ça se prend plus ou moins au sérieux, les scènes d'action sont écœurantes. Vraiment, je pense que c'est un des meilleurs films d'action que j'ai vu cette année, même en dehors du Fantasia. Je le recommande fortement. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir en Blu-ray ici. Je sais que c'est 20th Century Fox qui ont acheté les droits. Fait que c'est quand même big. Puis tu sais, la production, même si elle est minime, apparaît quand même professionnelle. Visuellement, c'est beau, c'est bien mis en scène. C'est vraiment un film de qualité, puis il y a tout pour plaire. Et en même temps, j'ai juste hâte de voir ces cascadeurs-là peut-être avoir une carrière encore plus grosse. Fait que c'est ça, le film Plan B, film allemand, je vous le recommande fortement. Et toi, Marc-Antoine? Ouais, je me sens mal de passer par-dessus toi, Audrey, mais je sais que t'as plus rien à à discuter. Là. Ouais, mais gêne-toi pas pour t'incruster, Audrey. S'il y a des choses que tu veux mentionner ou peu importe, gêne-toi pas. Il n'y a aucun problème, là, même si tu n'as si pas vu d'autres films. Là. Parfait. Donc, un autre que tu as vu aussi, Steven, le film Dead Shack. Ouais. moi, là, ce soir, je vous avoue, il se passe quelque chose. Je ne suis pas dans mon assiette de toute évidence. Si vous êtes des auditeurs de séance de minuit, vous savez, d'habitude, je suis comme vraiment bon public. Si vous êtes des gens d'Horror Gamer, vous ne m'avez jamais entendu avant, mais je m'excuse, je ne suis pas de même d'habitude. J'ai pas aimé ça, Dead Shack. Moi, j'en suis au point où, quand je vois un film de zombies, je me demande si ça vient avec un manuel d'instruction IKEA, tu sais, qui te montre quoi faire plan par plan, ligne par ligne, parce que c'est vraiment répétitif comme genre, je trouve. Celui-là a été... c'était le premier long-métrage de Peter Rick, R-I-C-K. Un film produit... Oui, c'est ça, produit en collaboration avec Téléfilm Canada, le film. Puis c'est un espèce de post Scout's Guide to the Apocalypse, une espèce de mélange de Goonies, justement, puis un film de zombies. Moins la couleur, j'ai trouvé, dans le sens que dans les années 80, j'ai l'impression qu'il y avait plein d'espèces de comédies de zombies, puis il y avait tout un peu leur créneau, ils faisaient toutes leurs propres affaires, il y avait des idées originales, un angle différent, tandis qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les films de ce genre-là que je vois sortent un peu du même moule, puis j'en ai vu là, des films de zombies, j'ai fait ma part dans ma vie. J'écrivais pour Horror Web, puis des screeners de films de zombies que personne d'autre a vu à leur grand bonheur, sans qu'ils le sachent. Là, j'en ai eu dans mes mains, même si je comprends qu'il doit y avoir des passionnés là, qui en ont vu beaucoup plus que moi. Mais je regarde ce film-là, je comprends que c'est compétent, c'est bien fait. Les acteurs sont pas pires, il y a quelques bonnes blagues dans le film. Le timing comique est décent, parce que je suis désolé, des fois j'oublie de raconter l'histoire, là, j'ai des réflexions, je pense dans le désordre. Mais donc c'est l'histoire de trois jeunes qui accompagne, il y a comme deux des jeunes qui sont frères et sœurs, ils accompagnent leur père et leur belle-mère à un chalet, puis ils amènent un gars qui est amoureux d'une des jeunes, bref, puis ils se retrouvent à être à côté d'un chalet où il y a une femme mystérieuse et des zombies, puis elle nourrit ces zombies avec des gens. Et donc c'est vraiment, somme toute, assez classique. Puis moi, je pense que je suis quelqu'un qui a un peu de difficulté avec le trop de répétition. Et celui-là, c'était vraiment ça. Même si c'était plutôt bien mis en scène, il y a du bon gore. Je veux dire, si vous vous reconnaissez là-dedans, que vous aimez ce genre de film-là, vous êtes des grands fans de ce genre-là, OK, cool. Sinon, moi, je dirais de passer. Je sais pas ce que tu as pensé, toi, Steven. Ben, ça l'arrive souvent à Fantasia, mais j'aime ça me faire des journées bien remplies. Et j'avais deux films cette journée-là qui jouaient de chaque, et j'ai juste décidé de le prendre pour boucher un trou. J'avais aucune idée c'était quoi. Je savais que ça avait rapport avec des zombies. J'ai vu l'affiche, mais je me suis renseigné sur rien et j'avais zéro attente. Fait que le minimum que je demandais, c'était d'être diverti puis d'avoir un peu de fun. Et ben, le film le fait, je veux dire, c'est sympathique, c'est un petit film de zombies sympathique, mais comme le dit Marc-Antoine, le genre est vraiment saturé. Je pense que on a eu en masse de films de zombies par année, là. Ça sort à coups de vingtaine là, dans tous les domaines, autant à grosses productions que des petits films indépendants douteux. Mais celui-là, il est compétent. Puis il se prend plus ou moins au sérieux, l'humour est quand même très présent. Fait que tu sais, je trouve que la pilule passe quand même bien. Et il y a un côté minimaliste qui m'a quand même plu. Le problème souvent avec les films de zombies, ils ont tendance à vouloir faire ça comme tout le temps apocalyptique, tout le temps des grosses masses. Là. Ça te prend bien des figurants puis des armées de zombies. Tandis que là, en gros, t'as juste 5 zombies dans tout le film. Puis ça mise beaucoup aussi sur la fille qui les nourrit, puis qui est maniaque. Puis je trouvais que ça apportait un petit changement malgré tout, puis que ça me plaisait. Mais c'est vraiment un film qui a pas vraiment beaucoup d'ambition que divertir, puis offrir un peu de gore sympathique, puis des personnages le fun. T'sais, le père de la famille, je l'aimais beaucoup. Il sort souvent des phrases drôles. Les situations sont le fun. T'sais, globalement, j'ai vraiment eu du fun. J'ai pas forcément grand-chose de mal à dire sur le film, à part que ça, c'est juste trop classique en tant que tel, et ça l'a t'essayes pas vraiment d'aller plus loin, mais je sais pas, j'ai eu du fun. Je suis un petit peu moins sévère que toi, Marc-Antoine, mais peut-être que dans un autre contexte, j'aurais trouvé ça moins bien. C'est pas un des meilleurs films que j'ai vu au festival cette année, loin de là, mais je crois que pour boucher une soirée, vous avez rien à faire, vous tombez dessus, je crois que ça peut vous divertir, puis c'est quand même sympathique. Eh bien, je vais enchaîner avec un petit dernier, parce qu'on veut quand même faire des épisodes courts et sweet pour le fun, et de toute façon, on compte en faire à peu près 2-3, fait qu'on va avoir la chance de parler des autres films qu'on a beaucoup aimés, et ça va nous laisser le temps également de voir les autres qu'on attend énormément. Mais pour aujourd'hui, je voulais terminer avec un autre film que je viens juste de voir aujourd'hui et que j'avais quand même des bonnes attentes, le film coréen A Day. Encore une fois, je suis pas le meilleur pour dire les titres en anglais, mais c'est un film que toi aussi, Marc-Antoine, que tu as vu. Et oui. Je me disais que ça pourrait être nice de terminer ça, les deux. C'est un film coréen et ça raconte l'histoire d'un médecin qui revient de je sais pas trop où, il revient en avion pour aller rejoindre sa petite fille qu'il n'a pas la chance de voir souvent. Il a manqué la plupart de ses anniversaires, fait que là, il veut vraiment être là. Il a promis qu'elle allait être présente, qu'il y a des cadeaux pour elle, puis qu'il allait passer une belle journée ensemble. Fait qu'il va suivre sa petite routine quotidienne. Il va sortir de l'aéroport, il va rencontrer des gens, puis à un moment donné, à son retour sur la route, il va tomber sur une collision d'accident qui est arrivée. Fait que lui, comme étant médecin, il se décide d'aller aider les gens et d'aller voir sur les lieux. Et un peu plus loin de l'accident, il va se rendre compte qu'il y a une autre victime entourée d'une foule. Et s'approchant, il va se rendre compte que c'est sa petite fille qui est décédée et qui était impliquée dans l'accident de voiture qui est arrivé. Et au moment où il s'approche de sa petite fille, il va se réveiller dans l'avion. Et sur le coup, il va penser que c'est juste un rêve. Mais non, en fait, un peu à la manière du jour de la marmotte avec Bill Murray, il va juste revivre constamment cette journée-là, le moment que sa petite fille se fait tuer. Fait que le gars doit juste endurer le fait de voir sa fille mourir jour après jour et trouver un moyen de la sauver, de savoir pourquoi il est pogné dans une espèce de loop temporel. Fait qu'en gros, c'est ça. Moi, je vais dire tout de suite, j'ai beaucoup aimé. On l'avait mentionné au début, les films coréens ont tendance à être trop longs. Celui-là, c'est 1h27. Puis le réalisateur, il niaise pas à être le pot. C'est un film vraiment tête. T'as pas le temps de t'emmerder. Il va droit au but dès le début. Tu penses que le film, ça va vraiment être 1h30 du personnage principal qui tente de trouver un moyen de sauver sa petite fille. Un peu comme Bill Murray qui finit par apprendre les routines de tout le monde dans son entourage. Mais non, vraiment pas. Le réalisateur et scénariste qui s'est occupé aussi de ça, a incrusté le film de plusieurs petites surprises vraiment agréables, des retournements qu'on s'attend pas. Je veux pas vraiment les dire, puis je pense qu'ils sont même pas inclus dans le trailer. Fait que je crois que je vais vous laisser vraiment découvrir ça pour le film. Mais c'est ça, le film mise vraiment sur d'autres éléments qui vont venir changer l'intrigue, qui vont apporter une dynamique, puis un aspect très dramatique. Réussi, je trouve que le film va jamais dans le too much sur ce point-là, alors que souvent des productions coréennes, ça veut vraiment te faire broyer, puis tout le monde broye non-stop, puis des fois ça s'étire. Tandis que là, je trouvais qu'il y avait un bon équilibre et la raison du pourquoi le personnage est pogné dans un loop temporel, je trouvais que la raison était originale, puis je la trouvais bonne. Je trouvais que ça avait un bon message de fond. Puis moi, j'étais un vendu de films de temps, de voyage dans le temps ou de personnes qui revivent la même journée. J'avais vu Source Code avec Jake Gyllenhaal dans un train qui me rappelle un peu ça. C'est vraiment pas mal le même genre de film qui m'avait quand même bien plu. Mais c'est ça, A Day est un film vraiment efficace. Le casting est vraiment solide. Puis le réalisateur qui en est à son premier film, qui a écrit le scénario, il se débrouille vraiment bien. C'est un gars vraiment talentueux qu'il va falloir suivre. Il n'a pas été forcément avec la facilité au niveau de son scénario. Il a quand même tenté de jouer la carte classique, mais en incrustant des nouvelles idées, puis en essayant de peut-être dépoussiérer un peu un style qui est facilement redondant. Là, c'est un genre qu'on a vu aussi avec Age of Tomorrow de Tom Cruise, qu'on avait beaucoup aimé moi aussi, moi puis Marc-Antoine. Et non, c'est ça, en gros, AD, j'ai vraiment adoré ça. Si vous êtes fan de ce style de film-là, allez-y les yeux fermés, c'est vraiment super efficace. C'est pas forcément le film de l'année, c'est pas un grand film, mais en termes de divertissement, ça, c'est vraiment de haut calibre, puis j'ai vraiment passé un bon moment. Fait que je suis curieux de savoir, toi, Marc-Antoine, qu'est-ce que t'en as pensé? Oui, ben je l'ai apprécié, même si j'ai mes réserves. Je pense oui que c'est un bon divertissement. Rendu là, tu l'as dit, on connaît un peu la chanson de ce genre de film-là avec la journée qui se répète constamment. Ouais. Souvent, la première journée, ils vont un peu établir ce qui se passe, puis tu sais que chaque élément sur lequel ils insistent va comme se répéter dans plein de variations par la suite. Puis là, c'est ça le personnage qui essaie toutes les combinaisons possibles pour éviter l'accident de sa fille. Puis ce que j'ai aimé, effectivement, t'as décidé de pas en parler, donc je vais pas le faire pour te gâcher ton trip. Mais il y a un élément ou deux que j'ai vraiment trouvé intéressant qui font un peu, qui changent un peu la donne de ce film-là par rapport aux autres, puis qui ajoutent un peu à l'aspect thriller. Ouais. Puis c'était bien pour ça. L'acting est très bon aussi. Moi, ça reste que c'est un film qui est réalisé de façon classique, moi j'ai trouvé, puis ça se termine quand même de façon assez mélodramatique, là, sans vouloir en dire plus, puis j'ai apprécié, j'ai passé un bon petit moment, mais c'est pas un film que je reverrai, là. Ouais, non, mais c'est ça, ça reste quand même un film classique malgré les quelques éléments qui viennent renforcer le tout, mais tu sais, comme tu l'as dit, on a l'habitude de voir les personnages dans ce genre de film-là insister sur des moments précis de leur journée, comme là-dedans, t'as un jeune garçon qui mange un bonbon puis qui s'étouffe avec, fait que le médecin décide d'aller l'aider, mais tu sais, à chaque fois qu'il revit la journée, bien, il va tout le temps aller aider le garçon avec le bonbon, soit en lui volant carrément le bonbon, puis le jeune est en train de capoter ou des choses comme ça, mais on dirait que le réalisateur se l'est dit que, gars, mon public, il connaît la formule, fait que le montage puis les situations s'enchaînent vraiment rapidement. On va pas revivre vraiment plusieurs fois les mêmes événements. Tu sais, après deux fois, il va enchaîner avec un genre de twist qui va venir changer la donne. Puis je trouve que c'est un peu ça sur toute la durée. On se répète pas trop souvent, puis ça, je pense que c'est vraiment le point fort, parce qu'on aurait pu justement tourner en rond et se dire, OK, oui, on sait, là, ça, on a vu ça justement avec les autres films. Là. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais non, c'est ça en gros, c'est un film que je vous recommande aussi. Mais je pense que c'est ce qui va compter aujourd'hui, notre premier petit épisode sur de Fantasia. Évidemment, Audrey va voir d'autres films d'ici là, moi aussi, Marc-Antoine également. On a des grosses attentes, notamment The Endless, des réalisateurs de Resolution et Spring, qui est probablement peut-être ma plus grosse attente avec... Better Watch Out cette année. Fait que j'ose espérer que ça va être à la hauteur. Et j'espère avoir une claque, parce que pour être bien honnête, malgré tous les films que j'ai vus, j'ai pas eu encore le film qui est venu me dire « OK, c'est le film du festival, c'est mon numéro 1, là. » Tu sais, comme l'année passée, dès que j'ai vu The Wailing, je suis sorti de la salle chamboulée, puis j'étais comme « C'est définitivement le meilleur film que je vais avoir vu au Fantasia, puis je pense pas qu'il y en a un autre qui va le topper. » Fait que j'étais encore en attente, j'espère en tomber sur un, malgré que globalement, j'ai vu pratiquement juste des excellents films, des bons films, puis un seul qui a été vraiment une grosse déception, mais je voulais pas le mentionner aujourd'hui, je voulais rester un petit peu dans le positif, puis peut-être en parler dans le dernier épisode des déceptions que j'ai eues dans le festival. Mais là-dessus, ben, je vais vous remercier. Audrey, merci d'avoir été là pour parler un peu des films que tu as vus à date au Fantasia. De rien. Puis moi, demain, j'ai une de mes grosses attentes du festival qui est Jojo's Bizarre Adventure en live action. Donc, je vous en parlerai dans un prochain épisode. Nice. Et merci à toi, Marc-Antoine, de t'incruster dans le podcast Horror Gamer pour venir parler des films du Fantasia. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Ben, un gros merci. Puis... ben c'est ça, j'ai hâte de voir, moi aussi j'ai hâte de voir les autres films, puis on avait déjà enregistré un truc ensemble là, où on parlait de nos attentes pour la programmation, c'est disponible justement sur le site de Séance de Minuit si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas entendu, donc là-dessus j'élaborais un peu sur les films que j'ai hâte de voir, puis la plupart d'entre eux c'est pas encore fait, là, donc on va peut-être en reparler plus tard. Le meilleur est à venir pour toi. Tes gros morceaux sont encore tout à venir dans les prochains jours. Fait que tu dois être vraiment excité, là. Exact. Et bien sur ce, merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. On espère que vous avez apprécié notre premier petit épisode sur le festival Fantasia. Si jamais vous avez eu la chance de participer au festival jusqu'à présent, ben n'hésitez pas à dire dans les commentaires vos coups de cœur, les films que vous avez aimés ou même vos déceptions. C'est toujours le fun à savoir. Et Sébastien ferait en temps normal un petit shout-out à nos Patreons, mais... je suis moins bien organisé que Sébastien, j'ai pas la liste de nos Patreons devant moi, fait que je vais y aller de manière très simple. Merci à vous de nous encourager, c'est très agréable, on l'apprécie énormément et c'est le fun de savoir qu'on a des fans aussi fidèles. Sur ce, on va y aller en musique. J'ai rien prévu d'avance, fait que je vais y aller un petit peu sur le vif. On va écouter le thème de Godzilla. C'est un petit peu facile, mais j'avoue que depuis que j'ai vu Shin Godzilla, le thème ne quitte plus ma tête. J'arrête pas de l'écouter constamment et c'est tellement un bon thème, fait que je me dis que c'est parfait pour terminer l'épisode. Fait que sur ce, n'oubliez pas de garder ça horreur.